En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec, aujourd'hui, un module conçu et réalisé par Arnaud de Gouy. Odyssée, Arnaud, les aliens et vous. Bonjour à tous, comme chaque jour dans notre émission, nous donnons la parole aux aliens qui viennent nous parler de leurs difficultés à comprendre les mystères de l'humanité. Et aujourd'hui, nous recevons notre auditeur qui vit dans la Lune, enfin je veux dire sur la face cachée de la Lune. Nous serons également en compagnie de notre éminent spécialiste, Monsieur Simon Cussonnet, chef clinique en musicothérapie-psychologie, qui traite notamment des pathologies martiennes et lunaires. Nous recevons donc Monsieur Saturnin, et oui, comme le canard. À ne pas confondre avec Lombrec, nom de famille très répandu en Bretagne. Ainsi, le lombric, plus communément appelé ver de terre, mais en l'occurrence, ici c'est un ver de lune. À ne pas confondre non plus avec le ver d'eau. Saturnin nous confiait, hors antenne, passer la plus grande partie de son temps à écouter de la musique, et plus particulièrement les chansons de Danny Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Je ne fais que d'embrasser, cette fille-là me fait rêver. Elle a vraiment quelque chose, ça lui vient sûrement des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité ou les gars de mon quartier. Monsieur Saturnin, à la question « est-ce qu'il jouait d'un instrument ?», il semblait très embarrassé et répliqua que s'il avait été Mozart, il n'aurait jamais touché un violon. Comme on dit par chez nous, pas de bras, pas de chocolat. Oh, tu déconnes. Mais sans plus attendre, accueillons sur notre plateau Saturnin. Applaudissements. Bon. Saturnin, parlez-nous un peu de la vie dans la Lune. Franchement, je dois dire, je suis très heureux de redescendre un peu sur Terre de temps en temps et que je fais des efforts pour pas être trop dans la Lune. Comme idéal, Manuel à Montchez Breton, là-bas il fait froid, mais on prend pas beaucoup de pichons. Parlez-nous également de votre passion de la chanson. Franchement, je dois avouer que je suis un grand fan de Danny Briand. J'ai tous ses disques, je suis un amoureux de sa musique et j'y trouve vraiment beaucoup de talent. Y'a que les filles qui m'intéressent. Alors Saturnin, qu'est-ce qui vous amène ici? Expliquez-nous votre problème. Eh ben, mon problème, c'est que je comprends pas toutes sortes de musique. Par exemple, le black metal. Et je voudrais vraiment savoir comment faire, car ça me rend franchement triste. Professeur Simon Cussonnet, qu'en pensez-vous? Oui, c'est en effet un cas très courant chez les aliens. Il leur est difficile d'écouter de la musique trop variée. Et dans ce cas, de passer de la musique de Danny Briand au black metal suédois des Marduks. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Je me prends pour Cary Grant. Et puis on éteint la lampe. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité. Nous appelons ça, nous scientifiques, un manque d'imagination. Bon ? Et pouvez-vous nous expliquer ça à moi-même et à nos auditeurs ? Bien sûr. Dans ce cas, un manque d'imagination, il est très difficile de supporter une écoute trop inhabituelle et passagère. C'est ce que l'on appelle une déficience de souplesse accrue. Maladie qui frappe surtout les aliens. Et quel conseil pourriez-vous donner à Saturnin et à tous les auditeurs qui se retrouvent dans cette situation ? Et je sais d'après vos tweets que vous êtes très nombreux. Eh ben, dans ce cas, je crois que quelques gélules d'accord dissonants, quelques séances d'impro à la bip, et surtout une bonne dose d'autodérision devraient faire beaucoup de bien. Merci professeur Simon Cussonnet. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Fandard, La rose, ça sent pas bon. Merci à Saturnin pour son témoignage très très émouvant, à toute la rédaction. Et enfin, pour bien illustrer cette question du dualisme en musique, on se quitte sur le dernier mix de David Beta qui s'intitule « Le chemin qu'il reste à parcourir ». À part courir, tu fais quoi d'autre ? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, en aimant, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île sous le vent. Les portes, les centres et les cris, même enfermant. Dans un jardin d'enfance, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Et les armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait. Je ferai de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait. C'était La musique expliquée aux aliens, une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.